tous ces matins où j'embrassais ma mère, café au lait croquant, quand le soleil embrasait le ciel, décollé de la casa, mes choux embrassaient le sol en plein mistral, je grimpais la côte pour un casque calé sur les oreilles, du rap dans les veines, j'y vivais rien que pour le week-end, rêve grand, comme plus rien ne pouvait s'immiscer, y'a que mon jean qui featurait sur les bancs du lycée, ce même jean trop collé sur les murets au quartier, quand la merde a débarqué, il maintenait l'acier. It's a new day now, but I ain't holding back. Spit bars like I'm on an old school roadie track. Tiger. Went top five for the sound that I will pursue. Yeah. But I gotta let them know I ain't only that. Told you I'm gonna win, even though I sin. I once was a prince, but now I am a king. I play it all down, but now I'm gonna bling. Cause I may as well embrace the black clock thing. Se battait de maison, devint mon lasso. Argent facile, mon as a contenu l'assaut. Dans les rues du centre, assis sur mon vélo, je souriais à tout le monde, salam, salut, hello. Excusez-moi monsieur l'agent, je n'ai rien volé. Je n'ai que gravé ce mic dans l'argent. Voyager sur les ailes de mes sons, 10 000 pieds au-dessus des emmerdes qui comme des vagues heurtaient nos maisons. Walalang, walalang ling. Walalang, walalang ling. Walalang, walalang ling. Say when I'm wearing a bomber clad then come again. Walalang, walalang ling. Walalang, walalang ling. Walalang, walalang ling. We ain't along with bomber clad them and I can. We ain't along with bomber clad them and I can. On montra certainement nos bagarres dans la cour. Au bout du compte, il ne reste qu'une seule chose, l'amour. Et si la route paraît longue, je t'assure elle est courte. Trop courte pour passer une seconde en découdre. Ce nouveau jour, moi, je le vis bien, ouais. Je pardonne tout, mais je n'oublie rien, non. Walalang, walalang ling. Walalang, walalang ling. We're not along with bomber clad them and I can't.